طيب بارك الله فيك. نجلس السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع كتابنا الدروس مهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى الدرس الثالث وهو أركان الإيمان. أركان الإيمان، أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. Troisième leçon, les piliers de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Que tu crois en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses envoyés et au jour dernier, et que tu crois au destin bon ou mauvais, et que tout cela provient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقبل الشروع في التفاصيل، ما هو الفرق بين الإسلام والإيمان؟ Avant d'entrer dans le vif du sujet ou dans les détails, quelle est la différence entre l'islam et la foi؟ في الإسلام والإيمان يجتمع الدين كله. Donc dans l'islam et dans la foi, la religion complète se regroupe et se rassemble. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأمور الظاهرة من الأعمال. Lorsque les deux sont mentionnés ensemble dans le même contexte, mais par exemple dans la même phrase, l'islam est expliqué par les œuvres apparentes. وفسر الإيمان بالأمور الباطنة من الاعتقاد كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام et l'Iman, la foi, est expliqué par les choses cachées, c'est-à-dire la croyance, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal dans sourate Al-Hujurat verset 14. Les Arabes ont dit, nous croyons. Dis, vous n'avez pas cru. Tandis, dites plutôt, nous nous sommes soumis. Donc on voit dans ce verset la différence entre l'Iman et l'Islam, car elles ont été mentionnées ensemble. Wa kama fi hadith Jibril alayhi salatu wassalam an Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. Et cela est aussi mentionné dans le hadith de Jibril, le fameux hadith de Jibril, alayhi salam, où Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit, lorsque nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous est apparu un homme avec des vêtements très blancs et des cheveux très noirs, et nous n'avons pas vu sur lui les traces du voyage. Et personne d'entre nous ne le connaissait. Nous sommes s'assied auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a donc joint ses pieds, ses genoux à ses genoux et il a posé ses mains sur ses genoux. Donc il a joint ses genoux à lui-même aux genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a posé donc ses mains sur ses genoux à lui, mais pas sur les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Il dit, oh Mohammed, annonce-moi au sujet de l'islam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc il dit صلى الله عليه وسلم l'islam est que tu attestes qu'il n'y a nulle divinité à part Allah et que Mohammed est l'envoyé d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de la zakat, que tu jeûnes le mois du ramadan, et que tu procèdes au pèlerinage à la maison sacrée, si tu en as les moyens. Qala sadaqt. Donc Jibril a dit, alayhi salam, tu dis vrai. Fa'ajabna lahu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Nous sommes étonnés, donc, de cette personne-là. Il le questionne, et pour ça, il lui dit que cela est vrai. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. Il dit donc par la suite, Jibril alayhi salam, annonce-moi au sujet de la foi. Donc explique-moi qu'est-ce que la foi. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit que tu crois en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses envoyés et au jour dernier et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais jusqu'à la fin du hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans. Donc nous voyons ici encore une fois que si il est mentionné dans un seul contexte comme ici, comme dans le hadith ou comme dans le verset auparavant, donc lorsqu'on parle de l'islam, on parle des œuvres apparentes, et lorsqu'on parle de la foi, on parle des œuvres donc cachées, celles qui sont cachées, celles qui proviennent du cœur. La croyance, c'est du domaine de la croyance et du dogme. Donc on a vu pour ici pour le petit 1. Petit 2, ta'rif al-iman. La définition de l'iman. ومعنى الإيمان في اللغة التصديق المستلزم للقبول والإذعان. La définition de la foi dans la langue arabe, c'est de rendre quelque chose de véridique, qui va amener obligatoirement à une acceptation. Donc comme tu as cru, tu acceptes cela, tu agrées cela, et tu t'y soumets. Et shara'an, donc dans la législation, du point de vue juridique, tasdiqun bil qalb, croire avec son cœur, wa iqrarun bil lisan, donc le répéter et le dire, l'affirmer, le reconnaître avec sa langue, wa amalun bil arkan, yazidu bil ta'a, wa yanqusu bil ma'siya. Œuvrer à travers ses piliers, elle augmente par l'adoration, ou par le biais de l'adoration, de l'obéissance, et elle diminue à cause des péchés. Dukhulu al-iman fi musamma, ou plutôt dukhulu al-a'mal fi musamma al-iman. Entrer les actes dans la dénomination de la foi. Al-a'malu dakhilatun fi musamma al-iman. Dalla 'ala dhalika al-kitab wa sunnah wa ijma' as-salaf. Les actes entrent dans la dénomination de la foi. Et cela est prouvé et mentionné dans le livre, la sunna et le consensus des pieux prédécesseurs. Faqala ta'ala: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ الْبَقَرَ 143. Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction relative, certes Allah ne voulait pas perdre votre foi, ne voulait pas vous faire perdre votre foi. أي صلاتكم وأنتم متجهون لبيت المقدس قبل أن تؤمروا bitawajjuhi ila al-Ka'ba. C'est-à-dire, dans l'explication de ce verset, votre prière, alors que vous êtes en train de vous vous dirigez vers la maison sacrée, donc al-Muqaddas, donc à Jérusalem, avant que vous, qu'il vous a été ordonné de vous diriger vers la Kaaba, vers Mecca. Parce que les gens ont dû changer de qibla, ça perturbe. C'est quelque chose qui perturbe. Donc Allah a montré qu'il n'a pas voulu faire perdre quoi? La foi. Il a appelé donc la salat comment? Il a appelé la salat, la prière, la foi. Donc cela est une preuve que l'acte est foi. Que l'acte, donc, entre dans la dénomination de la foi. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم dit la foi est composée de plus de 70 ou plus de 60 parties, et la plus importante est la parole, donc d'attestation de foi, la ilaha illallah, est la plus basse, et le fait de retirer ce qui gêne de la route, et la pudeur fait partie de la foi, rapportée par l'imam muslim. Wa haka l'imam Shafi'i rahmahullah, ijma' al-sahaba wa al-tabi'in, wa min ba'dahu, ممن أدركهم على ذلك. Donc l'imam Shafi'i rahimahullah a dit qu'il y a consensus chez les compagnons et les successeurs, donc tabi'in, ceux qui ont la génération après celle des compagnons, et ceux qui les suivent, donc parmi ceux qu'il a rencontrés, ils étaient tous d'accord pour dire que la parole, que l'acte fait partie de la foi. ثالثا زيادة الإيمان ونقصانه. Troisièmement, l'augmentation de la foi et sa diminution. الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يدل على ذلك أدلة كثيرة منها. La foi augmente et diminue. Elle augmente par l'obéissance. Et elle diminue par le péché. Énormément de preuves ou énormément de textes montrent cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا يسقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Donc ici, le témoin argumentatif de ce verset, c'est ويزداد الذين آمنوا إيمانا. Et pour augmenter, donc la foi à ceux qui croient. ويزداد زيادة. Donc ici, il y a une augmentation. Il augmente la foi à ceux qui en ont déjà. Ce sont des gens qui croient. Allah augmente ici la foi. Et il dit aussi, subhanahu wa ta'ala, donc c'était dans surat al-Mudathir, verset 31. Et dans le surat al-Anfal, le butin du verset 1 au verset 4, yaqulu ta'ala, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Donc ici, il dit subhanahu wa ta'ala, le témoin argumentatif de ces quatre versets, c'est وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsque ces versets leur sont récités, leur foi augmente. Leur foi augmente. car bien sûr ils écoutent, comprennent et mettent en application. Donc ils sont arrivés à cela. Ils écoutent, ils connaissent le sens, donc cela a eu de l'influence sur leur cœur. Ça ne s'arrête pas juste à le fait d'écouter. Nathan al-Khawarij, il récite énormément, et pourtant, leur récitation n'aura pas dépassé leur gosier. Car elle n'est pas entrée à l'intérieur. Elle n'a pas touché le cœur. Pourtant, il récite énormément. Donc, ce n'est pas juste le fait d'écouter. Parce que ces gens-là, leur cœur, justement, parce que le morceau de verset qui est juste avant, c'est « Ida dhukrallahu wajilat qulubuhum ». Lorsqu'on leur mentionne Allah, on leur rappelle Allah, leur cœur frémisse de peur d'Allah Azza wa Jalla, par peur. Car ils considèrent qu'ils sont dans le manquement, dans le manque, face à Allah Azza wa Jalla, face au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant Allah Azza wa Jalla les a appelés nos croyants. Le hadith qui est rapporté par les mêmes musulmans, où Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu ta'ala anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. الحديث rapporté par مسلم ou Abu Sa'id al-Khudri rapporte qu'il a entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire: celui qui voit parmi vous un mal, qu'il l'arrête avec sa main. Et s'il ne peut pas, avec sa langue. Et s'il ne peut pas, avec son cœur. Et cela est donc la plus basse partie de la foi, la plus faible partie de la foi. C'est-à-dire ici, la foi, c'est l'as, c'est l'obligation. Tu es obligé d'avoir au moins cela dans ce qui est mauvais. Si tu as perdu cela, tu as tout perdu. Tu as perdu énormément de choses. Tu es obligé d'avoir l'asr. Le fait de réprimer, et bien sûr donc de ne pas reconnaître cela, c'est des mauvaises choses. Fa fi hadha hadith bayanun wa bayanu maratib al-taghyir al-munkar wa kawniha min al-iman. Et dans ce hadith, il y a le fait de montrer clairement les étapes du changement de ce qui est mal, de ce qui est donc blâmable. Lorsqu'on veut changer le blâmable, il y a des étapes. Et que ces étapes font partie de la foi. Et le niveau le plus bas, parmi les niveaux ou les étapes où l'on change le blâmable, c'est le fait donc de réprouver et réprimer le blâmable avec son cœur. Et cela donc fait partie de la foi la plus faible. فَمَا سَبَقَهَا مِنَ الْمَرَاتِبِ أَقْوَى إِمَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et ce qui était auparavant donc est plus fort par la main, par la langue. Et il y a bien sûr encore beaucoup de hadiths qui montre cela. Beaucoup de hadiths qui montrent cela. Et nous allons passer ici, donc, au pilier de la foi. Arkanul Iman. Arkanul Iman, comme on l'a dit auparavant, c'est tatoun. Donc il y a six piliers de la foi. Wahia al-iman billah, wa al-iman bil malaika, wa al-iman bil kutub, wa bil rusul, wa bil yawm al-akhir, wa bil qadri khairihi wa sharrihi. Al-iman billah ta'ala. Al-iman billah huwa الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء أو رب يعني كل شيء ومليكه وأنه الخالق المدبر للكون كله. La foi en Allah est de croire fermement qu'Allah est le Seigneur de toutes choses et qu'il est le maître de toutes choses, le roi de toutes choses, et qu'il est le créateur et celui qui gère toute la création. وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. Et c'est lui qui mérite donc l'adoration seul, sans être associé. وَأَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ سِوَهُ بَاطِلٌ. Et que chaque adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal est vain. Il est nul. وَعِبَادَتُهُ بَاطِلٌ. Et le fait d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jal, donc cette adoration est vaine. وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُتَّصِفٌ بِالصِّفَاتِ الْكَمَالِ وَالنُّعُوتِ الْجَلَالِ مُنَزَّعٌ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ وَعَيْبٍ يَشْمَلُ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَيَشْمَلُ الْإِيمَانَ. Et on verra donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala possède et il est doté des attributs les plus complets. Les attributs, donc, et les caractéristiques les plus complets, les plus grands. Et il est exempt, subhanahu wa ta'ala, de tout manquement et de tout défaut. Et la foi en Allah comprend et comporte, awwalan, tawhid ar-rububiyya. Premièrement, l'unicité de la seigneurie. Qu'est-ce que cela? Huwa ifradullahi azza wa jal bil khalq. Wal mulk wa tadbir. Car Rububiya revient à ces trois points-là. Unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, dans la royauté et dans la gérance. Lorsqu'on mentionne Rububiya, la seigneurie, c'est-à-dire les actes d'Allah. Rububiya, ce sont af'alullah. Ce que Allah fait. Il crée, il gère, et il est le roi. Mais autre chose, mais ça c'est trois points de base. Et tout ce qui est avec Rububiya revient à ces points-là. Fa ifraduhu bil khalq. أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر. سورة الأعراف 54. Unifier Allah Azza wa Jal par la création, par le fait que c'est lui qui a créé, seul sans associé. Donc c'est que la personne ait la ferme conviction qu'il n'y a de créateur qu'Allah, de réel créateur. On ne se croit pas le créateur, celui qui crée à partir de rien. Car si tu crées une chaise, une armoire ou une table, tu as créé. Mais tu as créé à partir de quelque chose. Le mot créateur est permis pour autre qu'Allah, mais à travers les choses qui quoi qui existent. Il n'a pas donc créé à partir de rien. N'est-ce pas qu'à lui appartient la création et l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire la gérance. L'âme ici, c'est la gérance. وَيَقُولُ تَعَالَى عَنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Fatir 3. Y a-t-il un créateur autre qu'Allah qui vous donne la subsistance des cieux et sur la terre? L'eau en abondance et toutes les subsistances qui existent et qui poussent à partir de cette eau sur cette terre. Fatir, sur la Fatir, verset 3. Wa qala ta'ala kul man biyadihi malakutu kulli shay. Surat al-Mu'minun 88 dit entre ses mains donc la royauté de toutes choses, donc tout appartient à Allah Azza wa Jalla, tout lui appartient subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est pour ifradullah min bil khalq. Amma ifradullah bi tadbir fa huwa an ya'taqid al-insanu annahu la mudabbira ila Allah wahdahu. Tandis que pour unifier Allah Azza wa Jal dans la gérance, c'est que la personne ait la ferme conviction que personne ne gère à part Allah subhanahu wa ta'ala. Il est seul à gérer cela, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, pour montrer la gérance, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يونس verset 31 dit: qui vous donne la subsistance des cieux et de la terre, donc à partir des cieux et sur la terre, et qui possède lui la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et qui fait sortir le mort du vivant, et qui gère donc tout cela, et qui gère, ils diront certes Allah. Donc ils diront certainement Allah. Dis-leur donc, ne craignez donc vous pas. Dis-leur, ne craignez donc vous pas. Surat Yunus, verset 31. وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cette catégorie de tawhid, al-mushrikun, donc les polythéistes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas été en opposition avec cela. Ils ne se sont pas opposés à cette catégorie et ce type de tawhid. Tawhid al-Rububiyyah. فَكَانُوا مُقِرِينَ بِهِ. Mais plutôt, ils affermissaient cela. Ils reconnaissaient cela. قَالَ تَعَالَى وَلَا أَنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ يعني لَيَقُولُونَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Zukhruf, verset 9. Si tu leur disais, ou si tu les questionnais, qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement, les a créés le puissant, le savant. Ils reconnaissent, donc avec une croyance qui est ferme. C'est pour ça qu'Allah dit bien, mais ici, deux tawkid, l'am tawkid et nun tawkid, dans le verset, dans le verbe. Ils diront très certainement. Parce qu'il y a une certitude. Il y a quoi? Donc ils ont une foi ferme comme quoi c'est Allah Azzawajal qui a créé et qui aussi donc qui est le maître et qui gère tout cela. وَلَمْ يُنْكِرُهُ أَحَدٌ مَنِ مَعْلُومٌ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ فِرْعَوْنَ فَإِنَّهُ أَنْكَرَهُ مُكَابَرَةً. Aucun des enfants d'Adam ne renie cela. Sauf celui donc sauf, mais sur lorsqu'ici l'exemple de Pharaon, car il a renié cela, pas par fitra, par orgueil. Il a usé ici de l'orgueil pour renier cela. قال تعالى حكاية عنه فقال أنا ربكم الأعلى. Et Allah Azza wa Jalla, en mentionnant son cas, dit donc et il a dit je suis votre Seigneur le Très Haut. Le plus haut. Surat al-Nazi'at 24, verset 24. Wa ankara at-tawhid ar-rububiyyah 'ala sabil at-tashrik. Al-majus haythu qalu inna al-'alam min khaliqin. Salam. Li khaliqina huma dhulma wa an-nur. Wa in ja'alu an-nur khayran min dhulma. Et bien sûr, on renie aussi les majus, les adorateurs du feu. Ils ont renié at-tawhid ar-rububiyyah. De quelle façon? En associant. Car ils ont dit le monde a deux créateurs. Il alam in khaliqain. Hein? L'alam, donc il a quoi? Ici, khaliqain, il a deux créateurs. Huma, volma, les ténèbres, premièrement. Deuxièmement, secondo. An-nur, la lumière. Les ténèbres et son contraire. Et ils disent que la lumière est meilleure que les ténèbres. Donc ici, ils ont associé dans la crèche. Et c'est le tremplin, Tawhid al-Rububiyyah, et le tremplin pour accéder au Tawhid al-Uluhiyyah. Et on l'a vu auparavant, c'est pour ça qu'on revient pas au verset. Tawhid al-Uluhiyyah, l'unicité de la divinité. C'est-à-dire, af'al al-ibad, les actes des serviteurs. Les actes des serviteurs, ça veut unifier Allah Azza wa Jalla dans ton adoration. Yuqalu lahu tawhid al-ibada. On l'appelle aussi donc l'unicité de l'adoration. Bi'i'tibar idafatihi ila Allah yusamma tawhid al-uluhiyyah. Et comme cela nous revient à Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'on dit Tawhid al-Uluhiyya. Car on adore Allah. Car on adore Allah. Donc cela revient à quoi? À Tawhid al-Uluhiyya. وبإعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. Lorsqu'on parle de l'œuvre de l'homme, lorsqu'on parle d'adorer Allah, on dit توحيد العبادة, توحيد الألوهية. Lorsqu'on parle de l'œuvre de l'homme, on l'appelle donc توحيد العبادة. وهو la définition ici est إفراد الله عز وجل بالعبادة. فالمستحق للعبادة هو الله. Wahda. Donc, unifie Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Et celui qui mérite réellement l'adoration, c'est Allah Azza wa Jal seul. Wa kullu ma'budin siwa fa ibadatuhu batila. Et chaque adoré en dehors d'Allah, son adoration est vaine. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi surat Luqman, al-aya 30. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq. Certes, Allah est la vérité, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est faux. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé l'ibada ici, l'du'a. Car l'du'a huwa l'ibada. Et là où les gens ont plus associé Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans l'du'a. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal prévient le plus dans le Coran contre eux, lorsqu'il prévient contre les mouchriquins, il mentionne de façon générale le dua. Il mentionne de façon générale le dua, car c'est surtout là qu'ils ont associé en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, la taj'al ma'allahi ilahan akhar, fa taq'uda madhmuman makhdhula. Donc ne place pas, on ne donne pas à Allah une autre divinité, donc dans ton adoration, car tu vas regretter et tu seras avili. Car tu vas donc demeurer, comment? En regrettant. Et aussi, ou plutôt, mazmoum, tu vas plutôt donc mazmoum, tu seras en vérité donc, c'est injuste, hein? Ils disent injuste en mazmoum. Mazmoum, hein. Avili, c'est pour Mahzoula, Mezmoum, Mezem, yani, comme quoi, quand tu seras réprimé, Mezem, donc tu seras réprimé et tu seras donc avili. Wa hada al-qism, kafara bihi wa jahadahu a'ammat al-khalq. Tandis que cette partie, c'est pour ça qu'elle est importante dans l'explication, c'est que le renie, mais croit en cela, il le renie la majorité de la créature, de la création, ou la majorité des créatures. وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ اللَّهُ رُسُلُ. Et pour cela, Allah a envoyé donc ses prophètes, ses envoyés. وَأَنزَلَ الْكُتُبُ. Et il a descendu les livres. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et ce verset, on le rencontre souvent, lorsqu'on mentionne le Tawhid. Verset 25, surat al-Anbiya. Chaque envoyé, que nous avons descendu, c'est-à-dire envoyé, avant toi, on lui a toujours ordonné, ou révélé, qu'il n'y a nulle divinité à part moi, adorez-moi donc. Adorez-moi donc. Troisième catégorie de Tawhid. Mais sur ici, c'est de façon succincte. De façon générale. Troisième catégorie de Tawhid, c'est Tawhid al-Asma wa Sifat. Tawhid, donc ici, al-Asma wa Sifat. Hein? Wal-Imanu billahi wa Sifatihi kama ja'at fil Qur'an al-Karim. De croire en Allah et en ses attributs comme elles ont été mentionnées dans le Coran, dans le Saint-Coran. وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما لا على ما يليق بالله سبحانه. Et aussi ce qui a été mentionné dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم. Comme il le sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment? وَذَلِكَ بِإِثْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ أَوْ أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونفي ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. Donc comment c'est d'affirmer ce que Allah Azza wa Jalla s'est affirmé pour lui-même ou a affirmé cela son envoyé صلى الله عليه وسلم et renier ce que Allah Azza wa Jalla a renié pour lui-même. Et ce qu'a renié aussi, c'est-à-dire pour Allah Azza wa Jalla, son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Sans altérer le sens. Sans faire disparaître le sens. Donc, il n'y aura pas de tahrif. L'altération, changer le sens. Il n'y aura pas de ta'til. C'est-à-dire enlever ce sens et le faire disparaître. Ou min ghayri takyif. Ne pas donner de comment. Ou la tamthil et ne pas donner de semblant. Ou d'exemple. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى c'est un verset de base dans ce domaine dans surat Shura verset 11. Rien n'est égal à lui, rien n'est comme lui, et il est l'audient et le voyant. Allah Azza wa Jalla ici renie le tamthil, il renie le tashbih, il l'affirme qu'il est Samir al-Basir. Donc ici, il y a une réponse dans la première partie du verset al-Mu'attala, à ce qui renie. Et il y a une réponse dans la seconde partie du verset al-Mushabbiha, ce qui va donner des semblants à Allah Azza wa Jalla. D'accord? Donc tout al-Mu'attala, c'est dans Afwan. Al-Mu'attala, c'est dans la seconde partie, et dans al-Mushabbiha, c'est plutôt dans la deuxième, première partie. Car c'est Laïsa kamithlihiché. Laïsa kamithlihiché. Donc ici, c'est pour donc répondre à qui al-mushabbiha. Et la seconde partie, c'est pour répondre al-mu'attala. وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ هُوَ الَّذِي ضَلَّتْ فِيهِ بَعْضُ الطَّوَائِفِ. Et cette catégorie de tawhid, d'unicité, certaines sectes ont été égarées par rapport à cela. وَانْقَسَمُوا فِيهِ إِلَى فِرَقٍ كَثِيرَةٍ. Et ils ont été divisés, donc bien sûr, par plusieurs donc sectes. Al-Jahmiya. Et tous ceux qui vont être comme eux. Al-Mu'tazila. Et tous ceux qui vont être comme eux. Hein, et Al-Asha'ira. Et tous ceux qui vont être comme eux. D'accord? Parce que ceux-là sont les bases. Et on retrouve dans le domaine des noms et attributs, il y a ceux-là. Il retrouve énormément de gens dedans. Donc, qui vont découler. Énormément de têtes qui vont découler de ces trois bases-là. Aussi, ومما يلحق بالإيمان بالله عز وجل الإيمان بالغيب. Parmi ce qui va être affilié et allié à la croyance en Allah عز وجل, c'est de croire donc en l'invisible, de croire en l'invisible. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa taala, lorsqu'il mentionne les croyants, donc au début de Sourate Al-Baqarah, il dit bien Alladina yu'minuna bil ghaib. La première qualité, lorsqu'Allah mentionne les muttaqin, qui sont les muttaqin, donc ceux qui craignent, il dit Alladina yu'minuna bil ghaib. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mentionne que la croyance en l'invisible est l'origine de la croyance. Et Allah Azza wa Jalla commence par cela dans Sourate Al-Baqarah. Donc al-ghaib, الإيمان بالغيب يعني من صفات المؤمن كما قال تعالى ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ceux qui croient donc en invisible. Donc ça fait partie des caractéristiques du croyant. Et Allah dit ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, qui sont les croyants. C'est comme s'il y avait ces deux points ouvrés les guillemets الذين يؤمنون بالغيب, ceux qui croient en invisible. Et ce sont en plus des gens qui croient en invisible. Et on a donné deux sens. Il y a deux sens par rapport à cela. Premièrement, annahum yu'minuna bima kana ghaiban عن الحاسة مما جاء الخبر به عن الله تعالى وعن رسوله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. C'est qu'il croit en ce qui a été invisible, ils ne l'ont pas vu. Donc c'est quelque chose que les sens ne peuvent pas le voir, ne peuvent pas concevoir. Ça dépasse donc ce que les sens peuvent voir et concevoir. Et donc de ce qui a été rapporté de la part d'Allah Azza wa Jal et de la part de tous leurs envoyés, de tous les envoyés à Alihim Salam. Petit 2, أنهم يؤمنون بالله تعالى حال غيبته عنهم كما يؤمنون به حال الحضور بخلاف المنافقين. ولا منافة بين المعنيين فلا بد من الأمرين في المؤمن. Deuxièmement, ils ont dit qu'ils croient en Allah Azza wa Jal. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont, c'est lorsque حال غيبته عنهم كما يؤمنون به. Donc contrairement, lorsque en vérité il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec eux, donc il dit il croit au prophète, il croit en Allah Azza wa Jal lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec eux, lorsque les envoyés sont avec eux, de la même façon qu'il croit en Allah Azza wa Jal, même s'ils ne sont pas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même s'ils ne seraient pas avec les croyants. Et lorsqu'ils sont seuls, ils sont de la même façon, ils croient toujours en Allah Azza wa Jal, contrairement au munafiqin. Le munafiq, quand il est devant les gens, il joue le croyant. Mais dès qu'il se sépare des gens, il joue donc il est comme il est. Il revient à sa religion d'origine. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux paroles. Et les deux donc sont ensemble. Parce qu'on croit en Allah Azza wa Jal en tout temps. Que ce soit devant les gens, que ce soit même c'est-à-dire en public ou bien en secret. Thaniyan, athar al-iman bil-ghayb fi aqidat al-muslim. Quelles sont les traces? Mais quels sont en vérité l'impact, les impacts de la croyance en l'invisible dans la croyance du croyant. Donc celui qui croit en l'invisible dans sa aqida, dans son dogme, quel est en vérité donc son impact? Il iman bil ghayb athar kabir jidda tan'aqisu ala suluk al insan. La croyance en l'invisible a de forts impacts. Et elle se voit dans le comportement de la personne. Wasiratuhu fil hayat. Et aussi donc, ou plutôt, wasiratihi fil hayat. Et aussi donc dans sa façon de faire dans sa vie, dans sa manière d'agir. C'est-à-dire sa vie. Fahya dafi'un qawiyun li a'mal al khayr wa mukafahat al shar minha. C'est une propulsion, c'est quelque chose qui propulse, quelque chose qui pousse, donc ardemment la personne, à œuvrer et à faire du bien. Et à quoi? À stopper le mal. Et à stopper donc de faire du mal et aussi à stopper le mal. Premièrement, et cela donc parmi ces points-là, c'est awwalan al-ikhlas ou fil amal. Donc être sincère dans l'acte. Être sincère dans l'acte. Fa innal mu'mina billahi wa thawabihi wa 'iqabihi sayatamathalu awamir Allah. Car celui qui croit en Allah et en sa récompense et en son châtiment va obéir. Yamtathir. Donc c'est plutôt c'est yamtathir. Yamtathir. Donc il va croire, obéir et il va se conformer aux ordres d'Allah. Wa yuhaddiru min nawahi raghbatan fi thawab wa khawfan min al-'iqab fi al-akhirah. Et il va se protéger et se prémunir de ces interdictions, en espérant la récompense et en ayant peur du châtiment dans l'au-delà. La tam'an fil jaza wa shukr dunyawi. Et pas parce qu'il espère une récompense et un remerciement dans la vie d'ici-bas minannes parmi les gens. Donc il n'espère rien de la part des gens, ni récompense et ni remerciement. Kama akhbar Allah ta'ala an 'ibadihi المطمئنة المطعمين الطعام مع حبهم له بقوله تعالى. Donc Allah Azza wa Jal mentionne et montre ceux qui donnent de la nourriture alors qu'ils aiment cette nourriture. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il donne de ce qu'il y a de meilleur. Il ne garde pas le meilleur dans le fond de l'armoire et il se débarrasse, lorsqu'ils ont des invités, se débarrasse de ce qu'ils ne veulent pas ou bien de ce qui n'est pas meilleur. Il pose ce qui est meilleur. Allah dit dans Sourate Al-Insan, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Que dit-il ? Il dit, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Donc certes, nous vous donnons de la nourriture pour la face d'Allah Azza wa Jalla. Nous n'espérons pas, nous ne voulons pas de votre part de récompense ni de remerciement. Petit B. Al-Quwwa fil haqq. La force dans la vérité. Ma wa'ada bihi ahlul iman yaj'al al-mar'a yani yasir fi imtithali awamiri Allah ta'ala wa bayan al-haqq wa da'wati ilayhi wa bayan al-batil wa tahdhir minhu wa muharabatuhu. Donc ce que Allah azza wa jalla a donné comme c'est-à-dire Allah azza wa jalla a donné comme promesse aux gens de la foi. Et que la personne, donc il espère cela, et la personne donc va prendre le chemin en obéissant aux ordres d'Allah Azza wa Jal, et en montrant la vérité, et en appelant la vérité, et en montrant le faux, et en prévenant contre le faux, et il le combat. Et c'est pas de la dureté, mais c'est une nasiha, les dinillahi Azza wa Jal. C'est en vérité une nasiha, les dinillahi Azza wa Jal, pour la religion d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les exemples, donc, c'est Ibrahim alayhi salatu wassalam. Il était seul, et Allah azza wa jalla, donc, une qawwahu, Allah azza wa jalla, donc, donné cette force de pouvoir, en réalité, donc, combattre les gens. Il a pu combattre les gens. Petit C, ihtiqar al-mazahir al-dunyawiyya. Donc, considéré comme ville, donc, toutes les apparences de la vie d'ici-bas. Ne pas considérer ces choses-là comme les choses les plus importantes. وهذا يكون نتيجة يعني عمران القلب بالإيمان يزول الدنيا وملذتها أو بزوال الدنيا وملذتها. C'est-à-dire qu'ici c'est le résultat du remplissement ou du remplissage donc du cœur de la foi. Tu remplis ton cœur de la foi et tu sais que la dunya et ses plaisirs vont disparaître. Tu sais que la vie d'ici-bas et ses plaisirs vont disparaître. Wa anna al-hayat al-akhira hiya hayat al-baqa wa al-sa'ada wa laysa min al-aql ithar al-fani ala al-baqi. Et que la vie de l'au-delà est la vie qui perdure, qui est donc perpétuelle, et aussi celle du bonheur. Et ce n'est pas raisonnable de faire prévaloir ce qui va être amené à disparaître en délaissant ce qui va continuer. Ce qui ne va pas donc disparaître. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal dit وَمَا هَذِي الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Donc certes, la vie d'ici-bas n'est qu'en vérité donc que jeu. Et aussi, donc des choses qui sont amenées à disparaître. Et que l'au-delà, c'est la vraie vie. C'est elle la vie, donc c'est la vraie vie. Si seulement il le savait. Si seulement il le savait. Donc, l'Ankabut, verset 64. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yukhbir, an imra'ati fir'aun, allati istahanat biha, وبما هي فيه من متاع الحياة الدنيا وطلبت النجاة من فرعون وعامله ابتغاء الدار الآخرة لما استرانا قلبها بنور الإيمان فقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابنني عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين. التحريم 11. Encore un exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jalla mentionne l'histoire de l'épouse de Pharaon, de, c'est-à-dire en vérité de, peut-être qu'elle a délaissé tout ce qu'elle avait de la vie d'ici-bas, et qu'elle demande tout simplement d'être sauvée de Pharaon et de ses actes, en espérant l'au-delà. Car Allah Azzajal donc lui a illuminé son cœur par la foi et aussi par la demeure de l'au-delà. Allah donc donne un exemple par donc ceux qui ont cru. Alors donnons l'exemple donc l'épouse de Pharaon lorsqu'elle a dit ô mon Seigneur, bâtis-moi auprès de toi une maison au paradis et sauve-moi de Pharaon et de ses œuvres et sauve-moi du peuple des injustes. Donc, comme ils disent, l'ulama, donc, hein, Tarat Dar Khabadjar. Elle a demandé quoi, elle a préféré, donc, c'est-à-dire plutôt El-Jar Khabadjar. Tarat El-Jar Khabadjar. Donc, elle a préféré le voisin avant la maison. Donc, elle a voulu être près d'Allah Azzajal. Auprès de toi, bâtis-moi une maison. Indaka, il est venu avant, Beni El-Bait. Donc, d'où l'importance du voisin. Donc on a dit petit C, petit D. Zihab al-ghil wa al-ahqad. Donc la hantise et la jalousie disparaît. Les tahqiq, an-sa'i li tahqiq raghabat an-nufus bi ghayri min turuqha as-sahiha yurith al-ghil wa al-ahqad bayna an-nas. Rechercher à concrétiser donc des désirs que l'âme aime, que le fort intérieur aime. Que le fort intérieur homme, sans suivre les voies qui sont authentiques, amène et donne en héritage quoi? Les jalousies et la hantise des gens. Tu vas en vérité avoir de la hantise, l'animosité envers les gens et de la jalousie. Car pourquoi? Parce que tu n'as pas suivi le bon chemin. والإيمان بالغيب من وعد الله تعالى ووعيده يجعل المرء محاسبا لنفسه في جميع تصرفاته طمعا في الثواب وخوفا من العقاب. Par contre, la foi en l'invisible et de ce que Allah Azzajal a promis et aussi de ce que Allah Azzajal a menacé, donc les menaces, c'est lorsque la promesse par rapport aux bonnes choses et les menaces par rapport aux mauvaises choses, c'est que la personne se remet en question. La personne se remet en question et elle compte ce qu'elle fait. Dans tout ce qu'elle fait, en espérant la récompense et en craignant le châtiment. والإيمان الصادق بتحقق الثواب يجعل النفس المؤمنة مندفعة إلى الإحسان والإيثار طمعا في الثواب الباقي. La foi véridique, en concrétisant donc et en recherchant cette récompense, c'est que nefs, donc le nefs qui est croyant, va pousser. Ici, il y a quelque chose qui te pousse, qui te propulse à quoi? À être bon. Il va faire passer les choses. Donc tu fais pas ça en vérité. Donc Allah Azza wa Jalla et l'au-delà avant tout le reste de la vie d'ici-bas. En espérant la récompense qui perdure, qui reste. والأرض الذي تصفو معه النفوس وتصود المحبة بين الأفراد والجماعات كما أخبر الله تعالى عن الذين امتثلوا ذلك. Et aussi donc le nefs il se purifie par rapport à cela. Et l'amour entre les peuples et les gens se concrétise. Comme Allah Azza wa Jalla dit. Hein, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit, والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من خصاصة. Regardez ici. Ceux qui donc sont venus habiter dans la maison de la foi avant eux, donc Jean de Médine. يحبون من هاجر إليهم. Ils aiment ceux qui sont venus faire l'immigration vers eux. Donc les gens de Mecca, donc les muhajirun et auparavant les ansar. Et ils ne trouvent pas dans leur cœur, dans leur fort intérieur, donc à l'intérieur d'eux-mêmes, de besoin de ce qu'ils ont donné. Ils donnent. Ils disent pas si j'en ai trois, si je donne un, il me reste que deux. Ils ne pensent pas comme ça. Et ils font passer, donc les gens de Médine, on fait passer les gens de Mecca avant eux-mêmes, même s'ils en avaient réellement besoin. Voilà, aucun affine trace. J'en ai besoin, malgré ça, je le donne à l'autre. C'est fort. Hein? Et Allah dit, وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمِ الْمُفْلِحُونَ المفلحون أصلاً. ومن يقشح نفسه فأولئك المفلحون. Et celui donc qui se retient de l'avarice, ce sont eux qui ont la réussite. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas avares. Et l'avarice, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il quoi? Il se protège contre l'avarice. Parce qu'est-ce qu'il dit? Allahumma inna a'udhu bika min al-bukhl wa al-jubn wa al-bukhl. C'est associé à quoi? Et c'est quoi le job? Le fait d'être lâche, la lâcheté. Parce que le ulama, et parmi eux, Cheikh Ibn Taymiyyah, il mentionne que, donc il fait un tafsir par rapport à ça, que la lâcheté, que l'avarice est de la lâcheté. Et un avare ne peut pas être un courageux. Un avare, c'est pas un courageux. Voilà. Donc ce n'est pas, vous savez ce que, on voit que parmi les bonnes qualités, c'est la bonté et le courage. Et ça associé. L'avare ne peut pas être courageux. Si tu es avare, tu n'es pas courageux. Et je serai saint, donc il a une bonne parole par rapport à cela. Et ça, c'est pour les compagnons. Et regardez pour ceux qui viennent après eux. Parmi les gens de la sunna et du consensus. Et ceux qui viennent après eux, donc c'est jusqu'au jour dernier. Ils disent, ô notre Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères. Hein? Ceux qui nous ont devancés dans la foi. Donc une dua pour les croyants. Et là, regardez ici. Afin qu'on nous aussi, on ait un cœur pur. Et ne place pas dans nos cœurs de jalousie et de haqq, de hantise. De hantise, donc, sur ceux qui ont cru. Et on demande à Allah de ne pas ressembler au Rawafid. Et de ne pas ressembler à l'Aqlaniyoun. Ceux qui... Et les autres aussi parmi les frères musulmans qui disent, c'est des hommes, on est des hommes, on peut être aussi intelligent qu'eux, ils ont leur compréhension, on a la nôtre. Ils ont en vérité, donc, descendu du cadre, hein, et du respect des compagnons du prophète, de Allah Alim. Allah nous demande, la taj'al fi qulubina ghilla lil ladina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Donc, ne place pas dans le cœur, gentil sur ceux qui ont cru. Sur ceux qui ont cru. On croit en eux. Et ça, ça fait partie, donc, des choses. Donc, c'est des affaires. C'est les traces de l'Iman Bilraïb. C'est les traces de l'Iman Bilraïb. Donc, on a terminé pour ce qui est l'Iman bi Billahi Azza wa Jal. Et on prendra, donc, après, ce Rukn Thani, qui est l'Iman Bil Malaika. Ça dure 2h30, le prochain dars. 18h30, hein? Ça y est. Donc, avec le frère Souleymane, prochain date à 18h30, et moi sûrement vers 20h, non? Sûrement donc vers 20h, ça sera moi, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.